Chapitre 24. Ainsi parle le sage, et les rois applaudissent et, fermant leurs conseils à leur chef, obéissent. Pope, traduction de l'Iliade. Toutefois, il suffit d'un moment pour convaincre Heyward qu'il se trompait. Une main s'appuya sur son bras en le serrant fortement, et il reconnut la voix d'Uncas. « Les Hurons sont des chiens, » lui dit-il à l'oreille. « La vue du sang d'un lâche ne peut jamais faire trembler un guerrier. La tête blanche et le sagamore sont en sûreté, et la carabine d'œil de faucon n'est pas endormie. Allez-vous-en. Uncas et la main ouverte sont maintenant étrangers l'un à l'autre, j'ai dit. » Le major aurait voulu en apprendre davantage, mais un mouvement de son ami qui le poussa doucement vers la porte l'avertit du danger qu'ils couraient tous deux si l'on venait à découvrir le secret de leurs intelligences. Cédant à la nécessité, il s'éloigna à regret et se mêla à la foule. Les feux mourants de la clairière jetaient une lueur sombre et incertaine sur les figures qui allaient et venaient sans mot dire, et de temps en temps la flamme, venant à se ranimer, éclairait l'intérieur de la loge où l'on apercevait le Mohican immobile et dans la même attitude auprès du jeune Huron étendu à ses pieds. Quelques guerriers y entrèrent pour prendre le cadavre et l'emporter dans les bois voisins. Sous l'impression de cette scène solennelle, Duncan se mit à errer de cabane en cabane, dans l'espoir de découvrir quelques traces de celle pour laquelle il affrontait tant de périls. Personne ne lui adressa de questions, ni même ne parut faire attention à lui. Dans la situation d'esprit où se trouvait en ce moment la tribu, il lui eût été facile de fuir et de rejoindre ses compagnons. Mais outre l'inquiétude que lui donnait le sort d'Alice, un intérêt nouveau, quoique moins puissant, la position périlleuse d'Uncas, contribuait à le retenir chez les Hurons. Il continua donc à visiter toutes les huttes les unes après les autres. C'est ainsi qu'il fit le tour du village sans avoir trouvé ce qu'il cherchait. Renonçant enfin à une investigation inutile, il retourna vers la cabane du conseil dans l'intention de voir et de questionner David afin de mettre un terme à une anxiété trop pénible. En arrivant près de cet endroit redoutable qui venait de servir de tribunal et de lieu d'exécution, notre jeune officier vit que l'excitation était déjà calmée. Les guerriers y étaient de nouveau rassemblés et fumaient tranquillement, en s'entretenant avec gravité des principaux événements de leur récente expédition contre le fort William Henry. Quoique le retour de Duncan dût leur rappeler des circonstances suspectes qui avaient accompagné son arrivée, sa présence ne produisit aucune sensation visible. Loin de là, la scène qui venait d'avoir lieu lui parut favorable à ses vues, et il se promit de tirer, à la plus prochaine occasion, le meilleur parti possible de cet avantage inespéré. Sans avoir l'air d'hésiter, il entra dans la loge et s'assit avec une gravité tout à fait conforme à la conduite de ses hôtes. D'un coup d'œil jeté à la hâte, il s'assura que, si Uncas était encore à la place où il l'avait laissé, David n'avait pas reparu. On n'avait soumis le Mohican à aucune contrainte. Seulement un jeune Huron, posté à quelques pas, ne le quittait pas des yeux, et un guerrier en armes était appuyé contre la porte, restée ouverte. Sous tous les autres rapports, liberté entière était accordée aux prisonniers. Cependant, il ne devait prendre aucune part à la conversation et, dans son immobilité, il ressemblait plutôt à une belle statue qu'à un homme doué de sentiments et de vie. Heyward venait d'être trop récemment témoin de la promptitude des châtiments infligés dans la peuplade au pouvoir de laquelle il était tombé pour rien livrer au hasard. Certes, il eût préféré au discours le calme et la méditation, car la découverte de son identité ne pouvait manquer d'amener de terribles conséquences. Résolution prudente. Mais ses hôtes en disposèrent tout différemment. Il était assis un peu dans l'ombre quand un vieux chef qui parlait français se tourna de son côté. « Mon père du Canada n'oublie pas ses enfants, » dit-il. « Je l'en remercie. Un méchant esprit s'est introduit dans la femme d'un de mes jeunes hommes. L'habile étranger est-il capable de le chasser ? Le major avait quelques connaissances des jongleries pratiquées chez les Indiens dans les cas de prétendue possession. Il comprit à l'instant à quel point cette circonstance servirait au succès de ses projets. Mais la nécessité de conserver la dignité de son personnage s'imposait avant tout, et, réprimant un mouvement de joie, il apporta dans sa réponse la discrétion désirable. « Tous les esprits ne se ressemblent pas, » dit-il. « Quelques-uns cèdent au pouvoir de la science, d'autres y résistent. »« Mon frère est un grand médecin, » répliqua le rusé sauvage. « Veut-il essayer ?» Cette fois, un geste d'assentiment fut toute la réponse d'Hayward. Satisfait de cette assurance, le Huron reprit sa pipe et attendit le moment convenable pour sortir. L'impatient officier, maudissant du fond de son cœur le grave cérémonial des sauvages, qui exigeait un tel sacrifice aux convenances, fut obligé d'affecter l'air indifférent du chef, qui était proche parent de la malade. 10 minutes s'écoulèrent ainsi, autant de siècles pour l'apprenti médecin, lorsque le Huron déposa sa pipe et ramena son vêtement sur sa poitrine pour se disposer à sortir. Mais un guerrier robuste parut à la porte de la loge et, traversant les groupes de ses frères attentifs, alla s'asseoir à l'autre bout du fagot qui servait de siège à Duncan. Ce dernier sentit tout son corps secoué par un frisson d'horreur en reconnaissant à ses côtés son plus cruel ennemi, Magua. Le retour soudain de cet homme artificieux et redoutable suspendit le départ du vieux Huron. Plusieurs pipes déjà éteintes se rallumèrent. Le nouveau venu, sans articuler une seule parole, tira de sa ceinture son tomahawk qui lui servait de pipe, et ayant rempli de tabac le godet placé du côté opposé à la lame, il se mit tranquillement à en aspirer la vapeur par le tuyau pratiqué dans le manche, avec autant d'indifférence que s'il n'eût pas été depuis 2 jours occupé à une chasse pénible. Près d'un quart d'heure se passa, et tous les guerriers disparaissaient sous des nuages de fumée blanchâtre. « Sois le bienvenu, » dit à la fin l'un d'eux. « Mon ami a-t-il trouvé les élans ?»« Les jeunes hommes fléchissent sous leur poids, » répondit Magua. « Que Roseau Pliant aille à leur rencontre au sentier de la chasse, il les aidera. » Quand ce nom proscrit de Roseau Pliant eut été prononcé, il se fit un long et solennel silence, et chacun ôta la pipe de ses lèvres, comme si le tuyau n'en eût plus transmis que des exhalaisons impures. La fumée forma en l'air de légers tourbillons, puis, roulée en spirale, s'échappa rapidement à travers l'ouverture percée dans le toit. La torche qu'on avait rallumée permit alors de distinguer les traits de toutes les personnes présentes. Les yeux de la plupart d'entre elles étaient baissés vers la terre. Quelques jeunes gens, moins réservés, dirigèrent les leurs sur un sauvage en cheveux blancs qui était assis entre 2 des chefs les plus vénérés de la tribu. Rien en lui pourtant ne semblait digne de remarque. Il avait l'air abattu plutôt que la prestance orgueilleuse de sa nation, et ses vêtements ne différaient en aucune façon de ceux des Indiens de la classe ordinaire. Comme ceux qui l'entouraient, il gardait la tête basse, mais s'étant aperçu par hasard qu'il était devenu l'objet d'une attention presque générale, il se leva et rompit le silence. « C'est un mensonge, » dit-il. « Je n'avais point de fils. Celui qui portait ce nom est oublié. Son sang était pâle et ne sort pas des veines d'un Huron. Les perfides Chippeway ont trompé ma femme. Le grand esprit a ordonné que la famille de Wissentush s'éteigne. Heureux celui qui sait qu'avec lui meurt la honte de sa race. J'ai dit. » Le père promena ses regards autour de lui, comme pour quêter dans les yeux de ses auditeurs l'approbation de son stoïcisme. Mais les usages sévères de sa nation avaient exigé du faible vieillard un effort trop douloureux. L'expression de sa physionomie démentait le fier langage de sa bouche, et le déchirement de son âme contractait jusqu'à la souffrance tous les muscles de son visage sillonné de rides. Après être resté debout 1 minute, pour savourer la joie d'un triomphe chèrement acheté, il se retourna, comme ne pouvant plus supporter le regard des hommes. Puis, cachant son visage sous sa couverture, il sortit de la cabane du pas silencieux d'un Indien et alla chercher dans la solitude de sa propre demeure la sympathie d'une compagne âgée et désolée comme lui, et comme lui privée de l'unique appui de sa vieillesse. Les Indiens, qui croient à la transmission héréditaire des vertus et des vices, le laissèrent partir en silence. Alors, avec une noblesse de tact qui eût pu servir d'exemple dans une société plus civilisée, l'un des chefs détourna l'attention des jeunes hommes de l'acte de faiblesse dont ils venaient d'être témoins, en adressant la parole à Magua par politesse comme au dernier venu. « Les Delawares, dit-il d'une voix enjouée, ont rôdé autour de mon village comme des ours en quête des ruches d'abeilles, mais qui a jamais trouvé un huron endormi ?» Le nuage menaçant qui précède l'explosion du tonnerre n'est pas plus sombre que ne le devint le front de Magua pendant qu'il s'écriait « Les Delawares des lacs ?» Non, ceux qui portent des jupons de femmes sur les bords de leurs rivières, un d'eux est tombé entre nos mains. Mes jeunes hommes l'ont-ils scalpé? Ses jambes étaient bonnes, quoiqu'il ait le bras plus propre à manier la bêche que le tomahawk. Et d'un geste, le chef désigna Uncas. Magua s'abstint de manifester une curiosité féminine à repaître ses yeux de la vue d'un captif appartenant à une nation contre laquelle on lui connaissait tant de motifs de haine. Il continua à fumer avec l'air de réflexion qui lui était habituel lorsque rien n'exigeait l'emploi immédiat de sa ruse ou de son éloquence. Bien qu'intérieurement surpris des faits que lui laissait entrevoir le discours du vieux chef, il ne se permit de faire aucune question, se réservant d'éclaircir ses doutes en un moment plus opportun. Ce fut seulement après un laps de temps suffisant qu'il secoua les cendres de sa pipe, replaça le tomahawk à sa ceinture et se leva en tournant la tête vers le prisonnier qui était à quelques pas derrière lui. Uncas, tout absorbé qu'il semblait être dans ses pensées, n'en suivait pas moins les mouvements de son ennemi. Dès qu'il le vit se retourner, il en fit autant de son côté et leurs regards se croisèrent. Un assez long temps, ces deux hommes fiers et indomptables tinrent obstinément les yeux fixés l'un sur l'autre. Le jeune Mohican sentait tout son corps se dilater et ses narines s'ouvraient comme celles d'un tigre qui fait tête au chasseur. Mais son attitude était si sévère qu'il n'eût pas fallu un grand effort d'imagination pour voir en lui la parfaite image de la divinité guerrière de sa tribu. Les traits agités de Magua avaient quelque chose de plus mobile. À son air de défi succéda par degrés une expression de joie féroce, et tirant son souffle avec effort du fond de sa poitrine, il ne proféra qu'un seul mot. « Le cerf agile !» En entendant ce nom redoutable et bien connu, tous les guerriers se levèrent précipitamment, et un instant la gravité stoïque des Indiens fléchit sous l'impression de la surprise. D'une voix unanime, on répéta ce nom odieux et pourtant respecté, et au dehors, parmi les femmes et les enfants qui se pressaient à la porte, il retentit comme un écho qui se prolongea dans les habitations pour aboutir à des hurlements de tristesse. Avant que le bruit eût cessé, les guerriers s'étaient remis de l'émotion qu'ils avaient éprouvée. Chacun se rassit, tout honteux de sa précipitation. Mais il ne se lassait pas d'examiner avec une curieuse attention le captif dont la bravoure avait été si souvent fatale aux meilleurs guerriers de leur nation. Ce fut un triomphe pour Uncas, et il n'y resta pas insensible, ne donnant toutefois d'autre preuve de son orgueilleuse jouissance que par ce léger mouvement des lèvres qui, en tous les temps et chez tous les peuples, a toujours été le signe du mépris. Magua s'en aperçut, et serrant le poing, il étendit le bras vers le prisonnier avec un tremblement convulsif qui fit résonner les ornements d'argent qu'il portait en guise de bracelet. « Mohican !» lui dit-il d'un ton où respirait la haine. « Mohican, tu mourras !» « Les eaux qui guérissent ne rappelleront pas à la vie les hurons qui sont morts !» répondit Uncas. La cataracte lavera leurs eaux. Leurs hommes sont des femmes, leurs femmes des chouettes. Allez, rassemblez les chiens de Huron, qu'ils viennent voir un guerrier. Mes narines sont offensées, elles flairent le sang d'un lâche. Cette dernière allusion causa une impression profonde, et l'injure fut vivement ressentie, car beaucoup de Hurons, et Magua entre autres, comprenaient la langue de l'Awar dont le prisonnier venait de se servir. Le rusé sauvage sentit quel avantage lui donnait son ennemi, et il se hâta d'en profiter. Rejetant de côté la peau de daim qui lui couvrait l'épaule, il étendit le bras pour annoncer qu'il allait recourir aux artifices de sa funeste éloquence. Ses habitudes d'intempérance et surtout sa désertion lui avaient fait perdre une partie de son crédit. Quoi qu'il en fût, nul ne mettait en doute son courage et ses talents d'orateur. Aussi ne manquait-il jamais d'auditoire et parvenait-il le plus souvent à convertir ceux qui l'écoutaient à son opinion. Dans l'occasion présente, la soif de vengeance ajoutait encore à la puissance de ses facultés. Magua reprit à nouveau le pathétique récit des événements qui avaient signalé l'attaque de l'île de Glen. Il raconta la mort de ses compagnons et la manière dont s'étaient échappés leurs plus terribles ennemis. Puis il décrivit la nature et la position de la colline où il avait conduit les captifs tombés en son pouvoir. Sans souffler mot de ses projets sanguinaires contre les jeunes filles et du désappointement que sa perversité avait rencontré, il passa rapidement à l'attaque inattendue de la longue carabine et des deux Mohicans et au résultat qu'il avait suivi. Là, il fit une pause et regarda autour de lui dans un sentiment affecté de vénération pour les morts, mais en réalité pour examiner l'effet qu'avait produit le début de son discours. Comme à l'ordinaire, tous les yeux étaient fixés sur lui. Ses auditeurs semblaient transformés en statues, tant l'immobilité était complète et l'attente profonde. Alors, baissant la voix qui jusque-là avait été claire, forte et sonore, Magua énuméra les qualités des guerriers morts. Aucune de celles qui pouvaient exciter la sympathie d'un Indien ne fut passée sous silence. L'un n'allait jamais à la chasse sans revenir chargé de gibier. L'autre ne se fatiguait point de suivre une piste. Celui-ci était brave, celui-là généreux. Bref, il sut ménager ses allusions de manière que, dans une nation composée d'un nombre si restreint de familles, chaque corde qu'il touchait vibra dans le cœur de quelqu'un de ses auditeurs. « Les ossements de mes jeunes hommes, continua-t-il, sont-ils dans la sépulture des Hurons? Vous savez le contraire. Leurs esprits sont allés du côté du soleil couchant, et déjà ils traversent les grandes eaux pour se rendre au fortuné territoire de chasse. Mais ils sont partis sans vivres, sans fusils ni couteaux, sans mocassins, nus et pauvres comme à leur naissance. Le souffrirons-nous? Entreront-ils dans le pays des justes comme des Iroquois affamés ou déféminés de l'Awar? Ou bien iront-ils rejoindre leurs amis avec des armes dans leurs mains et des vêtements sur leur dos? Que penseront nos pères du sort qui a été fait aux tribus des Wyandots? Ils regarderont leurs enfants d'un œil triste et diront « C'est un Chippeway qui est venu ici sous le nom d'un Huron. Frères, nous ne devons pas oublier les morts. Un peau rouge ne cesse jamais de se ressouvenir. Nous chargerons le dos de ce Mohican jusqu'à ce qu'il plie sous le fait et nous le dépêcherons après mes jeunes guerriers. Ils nous crient de venir à leur secours. » Et quoique nos oreilles leur soient fermées, ils nous disent « Ne nous oubliez pas !» Quand ils verront courir après eux l'esprit de ce Mohican courbé sous son fardeau, ils sauront que nous ne les avons pas oubliés. Alors ils continueront le voyage plein de joie, et nos enfants diront « Ce que nos pères ont fait pour leurs amis, nous devons le faire pour eux. » Qu'est-ce qu'un Anglais ? Nous en avons tué un grand nombre. Mais la terre est encore pâle. Une tache sur le nom d'un Huron ne peut s'effacer qu'avec le sang d'un Indien. Donc meurt le Delaware. » Cette harangue prononcée dans le langage coloré et avec l'emphase d'un orateur Huron ne pouvait manquer de produire son effet. Magua avait mêlé avec tant d'art les sympathies naturelles de ses auditeurs à leurs superstitions religieuses, que déjà préparés par l'usage à sacrifier une victime aux mânes de leurs compatriotes, la soif d'une vengeance immédiate fit disparaître en eux tout vestige d'humanité. Un guerrier, surtout, d'un aspect repoussant et féroce, avait prêté une attention particulière aux paroles de l'orateur. Son visage avait exprimé au plus haut degré les émotions successives qu'il éprouvait, et la dernière était le reflet d'une fureur aveugle. Lorsque Magua eut fini de parler, il se leva en poussant le hurlement d'un démon. On vit sa hache flamboyer à la lueur de la torche, pendant qu'il la brandissait au-dessus de sa tête. Le mouvement qui accompagna son cri fut trop rapide pour qu'on puisse s'opposer à son projet sanguinaire. De sa main parut jaillir un brillant éclair, soudain obscurci par une tache sombre qui le traversa. L'un était la hache lancée avec force, l'autre le bras de Magua qui la détournait du but. Celui-ci intervint juste à temps. L'arme ne fit que trancher la plume qui ornait la touffe de cheveux d'Uncas et traversa le mur fragile de la cabane, comme si elle eût été lancée par quelque machine formidable. Duncan, témoin de cet acte de barbarie, s'était levé précipitamment, dans l'intention généreuse de voler au secours de son ami. Un coup d'œil lui apprit que le fer avait effleuré le but, et sa terreur se changea en admiration. Uncas, toujours tranquille, regardait le sauvage en face, sans se montrer le moins du monde ému de cette attaque soudaine et furieuse. Il sourit de pitié à un manque d'adresse qui venait d'être si heureux pour lui et murmura dans sa langue quelques paroles de mépris. Après s'être assuré que le captif n'était pas blessé, « Non, » dit Magua, « il faut que le soleil brille sur sa honte, il faut que les femmes voient trembler sa chair, ou bien notre vengeance ne sera qu'un jeu d'enfant. Allez, qu'on l'emmène dans la demeure du silence. » Et voyons si un Delaware peut dormir la nuit et mourir au matin. » Les jeunes gens auxquels était confiée la garde du prisonnier lui attachèrent les bras avec des liens d'écorce et l'emmenèrent hors de la grande loge, au milieu d'un silence de sinistre augure. Arrivé au seuil de la porte, Uncas parut hésiter. Il se retourna, et dans le regard superbe qu'il jeta à la ronde, Duncan crut lire à son adresse un reste d'espoir. Magua, satisfait du succès qu'il avait obtenu, ou trop occupé de ses secrets desseins, ne songea pas à pousser plus loin ses investigations. Secouant son manteau de cuir et en croisant les plis sur sa poitrine, il sortit également. Malgré sa haine grandissante, sa fermeté naturelle et la vive inquiétude que lui inspirait le sort d'Uncas, le major sentit un grand soulagement à voir s'éloigner un fourbe si dangereux. L'agitation produite par le discours de Magua se calma peu à peu. Les guerriers reprirent leurs sièges et des nuages de fumée remplirent de nouveau la loge du conseil. Pendant près d'une demi-heure, on n'échangea ni une syllabe ni un regard, car c'est la coutume de ces peuples si impétueux et pourtant si maîtres d'eux-mêmes de faire succéder un silence grave et méditatif à toutes les scènes de violence et de tumulte. Quand le vieux chef qui avait réclamé l'aide de Duncan eut achevé de fumer sa pipe, il se leva pour sortir et fit signe du doigt au prétendu médecin de le suivre. Duncan fut heureux, sous plus d'un rapport, d'échapper à cette atmosphère chargée d'âcre vapeur et de respirer librement l'air pur et frais d'un soir d'été. Au lieu de se diriger vers les cabanes où Hayward avait déjà fait d'inutiles recherches, son compagnon prit une direction opposée et s'avança vers la base d'une montagne voisine qui dominait le village temporaire. D'épais alliés en défendaient l'accès et l'on ne pouvait les traverser que par un sentier tortueux et étroit. Les enfants avaient repris leur divertissement dans la clairière et rangés sur deux lignes et armés de branches d'arbres, ils jouaient entre eux à la chasse aux poteaux. Afin de rendre l'imitation aussi exacte que possible, ils avaient porté des tisons enflammés dans quelques tas de broussailles qui avaient échappé à la conflagration. Le guerrier indien et Duncan dirigèrent leur marche à la lueur de ces feux qui donnaient au paysage un caractère plus frappant de grandeur sauvage. À quelque distance, et en face d'un roc escarpé, ils débouchèrent dans une espèce d'avenue. Au moment de la franchir, une gerbe de flamme se dégagea d'un des brasiers de la clairière, et à cette lumière éclatante répercutée par la surface lisse du rocher, ils aperçurent je ne sais quel être sombre et mystérieux qui leur barra le chemin. L'Indien s'arrêta comme s'il eût balancé à aller plus loin, ce qui permit à notre officier de le rejoindre. Une grosse boule noire, qui d'abord paraissait immobile, commença alors à se mouvoir d'une manière tout à fait inexplicable pour Duncan. Un nouveau jet de flamme lui montra distinctement cet objet, et à son allure, il reconnut que c'était un ours. Quoiqu'il grondât d'une manière peu rassurante et qu'il lançât des regards étincelants, il ne donnait aucun signe d'hostilité directe. Le Huron, du moins, parut convaincu des intentions pacifiques de ce singulier intrus, car après l'avoir bien examiné, il poursuivit tranquillement sa marche. Duncan, qui savait que les Indiens apprivoisaient parfois ces animaux, suivit l'exemple de son compagnon et pensa que c'était quelque favori de la tribu qui était venu dans le taillis pour y chercher pâture. Ils passèrent devant lui sans opposition. Le Huron, qui le toucha même en passant, ne s'inquiéta nullement du voisinage, tandis que le major ne put s'empêcher de tourner la tête, afin de s'assurer que le monstre ne l'attaquerait pas en traître. En le voyant trotter derrière eux, il sentit redoubler son malaise, et il allait prévenir l'Indien quand celui-ci, ouvrant une porte d'écorce, pénétra dans une caverne creusée par la nature sous la montagne. C'était un moyen de se mettre en sûreté qui arrivait à propos. Hayward s'empressa d'y recourir, mais en voulant fermer la porte, il éprouva une forte résistance, et force lui fut de livrer passage à l'ours, d'autant plus que dans cette sorte de boyau long et resserré, il était impossible de revenir sur ses pas sans heurter l'animal de front. Prenant donc son parti en brave, il continua d'avancer en se tenant aussi près que possible de son conducteur. L'ours, qui était toujours sur ses talons, poussa de fréquents grognements et posa même une fois ses énormes pattes sur les épaules de Duncan, comme s'il eût voulu l'empêcher de se risquer plus avant dans la caverne. Par bonheur, la situation, devenue intolérable, ne tarda pas à se modifier. Un point lumineux leur servait à orienter la marche, et bientôt ils arrivèrent à l'endroit d'où provenait cette clarté. Dans une assez vaste grotte, agrandie par la main de l'homme, on avait aménagé plusieurs pièces, séparées entre elles par des cloisons, composées d'un mélange de pierres, de bois et d'écorce. Les ouvertures pratiquées à la voûte y laissaient entrer la lumière durant le jour, et l'on y suppléait la nuit en allumant des feux et des torches. C'est dans cette retraite que les Hurons déposaient leurs objets les plus précieux, surtout ceux qui étaient la propriété particulière de la nation. Là aussi, on avait transporté la femme malade qu'on croyait victime d'un pouvoir surnaturel, dans la croyance que son persécuteur éprouvait plus de difficulté à l'assaillir au cœur d'un rocher qu'à travers le toit du feuillage de sa cabane. La pièce d'entrée lui avait été exclusivement destinée. Elle était étendue sur une litière de feuilles et entourée de femmes, au milieu desquelles Hayward ne fut pas peu surpris de retrouver son ami David Lagam. Un regard suffit pour apprendre au médecin supposé que l'art de guérir ne pouvait plus rien pour la malade. Elle était tombée dans une espèce de léthargie qui lui ôtait la parole et le mouvement, et jusqu'au sentiment de ses souffrances. Hayward ne fut pas fâché d'avoir à pratiquer ses jongleries sur une personne trop épuisée pour s'intéresser à leur succès, bon ou mauvais. Cette vue calma aussitôt le léger remords de conscience que soulevait en lui la supercherie à laquelle il avait recours, et déjà il coordonnait ses idées afin de jouer son rôle d'une manière convenable, quand il vit que la science allait être devancée par la musique et qu'on allait essayer sur la malade le pouvoir de l'harmonie. Lorsque Duncan et l'Indien étaient entrés, David se préparait à chanter. Il attendit quelques instants, consulta son diapason et se mit à entonner une hymne qui aurait opéré des miracles s'il n'eût fallu pour cela que la foi dans l'efficacité du remède musical. On lui permit d'aller jusqu'à la fin, les sauvages respectant sa prétendue folie, et Duncan s'estimant trop heureux de ce délai pour hasarder la plus légère interruption. Les derniers sons de sa voix résonnaient encore dans l'oreille de ce dernier, lorsque tout à coup il tressaillait en les entendant répéter par une voix moitié humaine, moitié sépulcrale. Jetant les yeux autour de lui, il vit dans un coin obscur de la grotte l'ours assis sur ses pattes de derrière et qui, en s'accompagnant du balancement de ce corps particulier à cet animal, répétait, dans un sourd grognement, des sons, sinon des paroles, qui avaient une lointaine ressemblance avec la psalmodie du chanteur. Il est plus facile d'imaginer que de décrire l'effet que produisit sur David un écho si étrange. Il ouvrit les yeux à plusieurs reprises, comme s'il n'eût pu en croire le témoignage de ses sens, et l'excès de son étonnement lui étouffa la voix dans la gorge. Un avis important qu'il se proposait de transmettre à Hayward s'envola de sa mémoire. Il n'eut que le temps de dire à haute voix « Elle vous attend, elle est ici !» et il s'enfuit précipitamment de la caverne.